Chapitre 6e, la tragédie des Jeux Palatins. Quelques mois s'étaient écoulés, et l'année 592 de Rome, au 41e de notre ère, venait de s'ouvrir. C'était celle du consulat d'Incitatus et de Caius César, consul pour la quatrième fois. Les Jeux Palatins, institués par Livy, en l'honneur du divin Auguste, duraient depuis 3 jours. Le 4e jour, 12e des ides de janvier, le dernier des Jeux, les représentations scéniques devaient commencer à la 2e heure. Or, l'empereur Caligula, qui renvoyait son motif au lendemain les grandes affaires de l'État, n'avait jamais retardé, par 1 minute d'absence, l'ouverture d'un spectacle. Il manda donc ses esclaves avant l'aurore, prit le bain, se fit parfumer et revêtir du costume pompeux de Jupiter capitolin. Quand les derniers détails de cette toilette olympienne furent terminés, il s'enferma seul dans ses appartements privés avec un affranchi du nom de Protogène, auquel il avait accordé une confiance illimitée. « Protogène, lui dit-il avec un sourire sardonique, aujourd'hui, 24 janvier, il y a précisément 10 jours que je n'apurai mes comptes. Comme la longueur du spectacle absorbera mes instants jusqu'à la dernière heure, donne-moi sur le champ mes mémoires intimes. Il est temps que j'enlève à certaines gens toute inquiétude sur leur sort. » L'affranchi à la garde duquel étaient confiées ses mémoires, ouvrit un meuble de l'appartement, poussa un ressort secret, et un large et profond tiroir à compartiments s'avança de lui-même. L'un des compartiments renfermait des papiers classés avec ordre. Dans les autres était distribuée une multitude de paquets multicolores soigneusement étiquetés et fixés avec de la cire. Pour tout autre que pour les 2 personnages en scène, le contenu de ces paquets était une énigme. Parmi les papiers, l'affranchi prit 2 livres, liés ensemble et les présenta à Caius. Chacun d'eux portait un titre inscrit en grosses lettres de minium sur son enveloppe. L'un s'appelait l'épée, l'autre le poignard. Ces 2 livres mystérieux étaient les registres de la vengeance et de la cupidité du tyran. Il y inscrivait de ses propres mains, avec des commentaires, les noms de tous les malheureux dont il prétendait avoir à se plaindre, des gens infirmes ou âgés sur les testaments desquels il avait exigé qu'on lui donnât place, et des hommes riches et puissants qui inquiétaient son orgueil ou tentaient, par l'éclat de leur luxe, son insatiable besoin de richesse. Tous les 10 jours, il choisissait parmi eux ceux qu'il voulait jeter en prison et envoyer à l'exil ou à la mort. Il ouvrit donc les feuilles de cet affreux nécrologe, en parcourut les pages funèbres avec assez de rapidité, et ordonna à Protogène d'écrire. Il lui dicta d'abord la liste des infortunés qu'il vouait à l'exil ou à la prison. « Inscris maintenant, ajouta-t-il, les noms de ceux que je destine à mon oncle Pluton. Le premier sera Pétronius, gouverneur de la Syrie. Il a osé soutenir contre moi la sédition des Juifs et a refusé de se faire justice à lui-même. Le navire qui doit porter l'exécution de mes ordres attend dans le port d'Ostie. « Fort équitable, dit Protogène. Ensuite, Sextus Papinius. Sa succession remplira mes coffres vides. Cet homme opulent a épuisé la coupe des jouissances terrestres. Il lui tarde nécessairement de s'asseoir à la table de Proserpine pour goûter d'autres joies. Riche imagination, César. Le prêteur Messala. Mais il prend les libores dans l'île d'Anticyre, objecta cette fois le complaisant secrétaire. Justement, répondit l'empereur, ai-je besoin de magistrats inutiles? C'est la 2e année qu'il passe en ce séjour. La saignée est nécessaire à un homme pour lequel un si long usage de l'ébor ne suffit pas. La courtisane Pomponia, elle est belle, cette femme, elle est adorée des libertins de Vélabre, mais elle a eu l'indiscrétion de révéler que j'avais le corps velu comme celui d'une chèvre. Continue à écrire. Valerius Asiaticus. Valerius ? Interrompit Protogène étonné. Certes, Valerius. Il a menacé sa femme Paula de sa vengeance. Depuis une certaine nuit, le souvenir de cette ravissante épouse m'a mis en gaieté à un des soupers d'Incitatus. Compte maintenant, Protogène. Pour l'exil dans les provinces, avec l'interdiction de l'eau et du feu, 6. Dans une île déserte, 4. Pour la prison, 12. Pour l'oncle Pluton, 5. 5 seulement pour ce dernier. Il m'accusera d'avarice. Écris toujours. Le sénateur Nonus Asprenas. Il a mis un enjeu contre Incitatus au théâtre de Marcellus, riant de ce qu'on ait revêtu ce noble animal des ornements consulaires. Le chevalier Antaeus. J'ai déjà envoyé le père aux enfers. Ils se feront société. L'ingrat Caliste. À ce nom d'un homme qui paraissait partager ainsi au degré la faveur de César, la main de Protogène resta comme paralysée. Peut-être, se demandait-il, lui, dont l'influence était de date plus récente, si tous les favoris, qui commençaient comme Caliste, devaient rencontrer cette horrible fin. La mort ensevelie dans le néant tant de honteuse complicité. « Par le salut de mon cheval !» Voilà un profond sujet d'étonnement que la perte de ce Caliste, continua le despote farouche en voyant le trouble de son secrétaire. Il est supposable que l'Empire en prendra le deuil. Ne sais-tu donc pas que cet odieux personnage avait un rôle dans le complot ourdi contre ma personne et que nous a révélé le procès de la comédienne Quintilia? D'ailleurs, l'ambition de cet affranchi que j'ai gorgé d'or ne connaît plus de limite. Caliste est trop puissant. Et comme Protogène hésitait encore, Caius arracha de ses mains la feuille du papyrus et le roseau d'Égypte et inscrivit lui-même sur ce lugubre dossier du bourreau le nom de son courtisan. Puis il ajouta à la marge « Frappez les condamnés de manière qu'ils se sentent mourir. » « Clos ces papiers, continua-t-il, et scelle-les. À la fin du spectacle seulement, tu les remettras au centurion Lupus de la garde germaine. Comme Incitatus paraît ce soir en public, certains spectateurs pourront, de la sorte, donner cette nuit de ses nouvelles au séjour des ombres. Quant aux journaux, renferme-les avec soin. Je les consulterai maintenant le quatrième jour des calendes de février. » Alors il ouvrit la porte de son appartement et fit appeler son chambellan. « Hélicon, vois le clepsydre et dis-moi l'heure. » « César, la deuxième heure est proche. » « Alors que l'on rassemble la garde et que l'on m'ouvre les portes du théâtre. »« Comment, sans prendre de nourriture ?» reprit Hélicon. « La comédie me rassasie l'estomac, » repartit Caius, et il rejoignit sa suite dans le vestibule pour entrer au spectacle. Les jeux palatins se donnaient dans l'intérieur même du palais. Quand l'empereur s'y présenta, l'étroite enceinte était déjà envahie par la multitude qui l'accueillit avec ce long vivat que payaient généreusement les largesses impériales. Il ouvrit la solennité par un sacrifice offert au divin Auguste sur l'autel consacré et prit place dans sa loge, qui fut soudain remplie par une foule de citoyens ou d'affranchis, plus empressés que de coutume à s'approcher de sa personne. Il avait fait asseoir à sa droite son oncle Claude. Soit hasard, soit calcul habile, le sénateur vénitien fut placé à sa gauche, parmi les spectateurs importants qui mettaient une ardeur inusitée à se précipiter sur les pas du tyran. On pouvait distinguer Valerius Asiaticus, Caliste et Nonus Asprenas, désignés à la hache du bourreau. Caligula les saluant en les apercevant, car le monstre, pour inspirer plus de sécurité à ses victimes, les flattait jusqu'au moment suprême, de même qu'on ornait de fleurs et de bandelettes les catombes vouées au sacrifice. On remarquait encore Apronius, Caesianus, Chéréa, Apellé, et le tribun des cohortes, Cornelius Sabinius. Clémence, le préfet militaire, donnait les ordres aux centurions de service qui éloignaient les soldats de la garde germaine, milice toute dévouée à l'empereur, comme pour dégager les issues obstruées par la foule. Un œil moins absorbé par l'attrait de la scène que celui de Caligula eût pu surprendre dans les rangs des sénateurs même une agitation singulière, des chuchotements sérieux et de fréquents regards furtivement jetés sur la loge impériale. Que se passait-il donc dans les esprits? Pour bien des spectateurs, cette cause étrange n'était plus un mystère. Car l'ancien consul Cluvius, disant au sénateur Vatinius qu'il n'avait rien appris de nouveau, ni sur le forum, ni dans les tavernes des tondeurs. « Sache donc une bonne nouvelle, » répondit Vatinius. « On joue aujourd'hui le meurtre du tyran. » En effet, une vaste conjuration, ourdie par Chéréa, étendait ses fils jusque dans le palais. Le vieux tribun avait su, par son énergique éloquence, convaincre les plus timides et ranger à ses desseins de puissants personnages, tels que Clémence, et même les familiers de Caius, qui commençaient à redouter un caprice de ce monstre ou la perte de la richesse. Après bien des hésitations, l'époque des jeux palatins avait été fixée comme la plus favorable au projet des conjurés. Mais depuis deux jours, aucune occasion favorable ne s'était offerte à leur fébrile attente. On en était à la dernière journée des jeux, et ils n'ignoraient pas que le secret du complot transpirait de dehors. La garde germaine prenait de l'ombrage de l'éloignement auquel on la condamnait et murmurait contre ses chefs. Le sel d'un affilié pouvait se transformer en trahison devant l'effroi de cette situation, et il suffisait d'une heure, d'une minute de retard, pour livrer tous les conspirateurs, leurs familles, leurs amis, leurs clients même, à la vengeance de Caligula. Il était temps de mettre un terme aux tortures d'une semblable anxiété. Le moment opportun allait-il fuir encore? Pendant que les conjurés, l'œil attaché sur Chéria, s'abandonnaient à ses réflexions, le spectacle commençait par une danse accompagnée de flûtes tyriennes, dont le son aigu provoquait à la gaieté. La comédie vint ensuite. C'était une satire de mœurs, dont les historiens ne nous ont pas conservé le titre, mais d'un trait fort comique, car jamais l'empereur n'avait montré une humeur aussi joviale et aussi affable. Il ne se contentait pas, suivant sa coutume, d'accompagner le geste de l'acteur ou la voix du musicien, comme pour les applaudir ou les corriger, mais il les interpellait à haute voix par les exclamations les plus gracieuses. Lorsque la première partie de la représentation se termina, on arrivait à la 7e heure du jour, ou 1 heure après-midi. C'était le moment attendu avec la plus vive impatience, car on supposait que, comme les jours précédents, l'empereur se retirerait pour prendre son repas et qu'on pourrait l'aborder soit dans l'étroit corridor qui menait à l'atrium, soit dans l'atrium même dépourvu de gardes par la vigilance de Clémence. Mais l'empereur ne se levait pas de son siège. Il poussait des éclats de rire bruyants à la vue des épisodes burlesques de l'entracte, épisodes occasionnés par le pillage des fruits, des viandes et des oiseaux rares qu'il faisait répandre sur les gradins du peuple. Et il désignait l'attention de ses voisins, ses futiles objets d'amusement. César ne songe-t-il pas aussi à aller prendre quelque nourriture ? Dit Vinitien, inquiété par l'attitude de Caligula. Nullement, répondit celui-ci. Ce spectacle me divertit autant que les bouffonneries de la scène. D'ailleurs, Turanius m'a fait servir hier à un souper digne des dieux. J'ai tellement surchargé mon estomac d'un certain turbo de Ravenne et d'un fracolin de Phrygie, du goût le plus exquis, que je ne m'éloignerai pas, fût-ce pour savourer une dorade du lac Lucrin, apprêtée par le cuisinier de l'Olympe. En ce moment, Chéria, qui suivait d'un regard attentif le moindre geste du tyran, Chéria s'avança, le visage contracté par une irritation longtemps contenue. Tout à coup, Vinitien se leva pour aller à sa rencontre. « Qui te presse ainsi d'abandonner ton siège ?» dit Caius. « Demeure près de moi, Vinitien. Ton voisinage m'est agréable. » Et il le tira par la robe pour le faire asseoir. Vinitien obéit, mais avec la soumission du cheval qui piaffe de colère en rongeant son frein. Un malaise indéfinissable s'emparait de lui, car il lisait dans l'œil de Chéria toute la rage concentrée de cette âme virile. Cependant, le vieux tribun se rapprochait. Allait-il aborder Caligula ? Le doute n'était plus permis, puisqu'il portait la main dans ses vêtements. Cette fois, Vinitien se leva sans avoir égard aux exhortations du prince, passa rapidement près de Chéria et lui marcha sur le pied pour lui faire comprendre que l'heure n'était pas arrivée. Cette soudaine résolution de Vinitien évita un horrible massacre, car la patience du chef des conjurés était épuisée, et si son bras n'eût été ainsi arrêté, le peuple et les soldats, au bruit de l'attentat, se fussent précipités avec fureur sur tous les patriciens qu'on eût supposés les complices du crime. Néanmoins, cette scène muette avait jeté quelques troubles dans la loge impériale. Apronius Caesianus tenta un dernier effort et s'adressant à l'empereur. « Ton médecin te blâmera, César, lui dit-il, de passer d'aussi longues heures sans prendre ton repas habituel, car une faim trop aiguisée appelle ensuite un excès de nourriture et devient parfois le début d'une cruelle maladie. Conserve, César, une santé si chère à l'Empire. Fais-toi préparer un bain parfumé d'absinthe. L'immersion excitera un léger appétit et après l'avoir satisfait, tu assisteras plus gaiement encore au reste du spectacle. « Tu parles en sage, Asprenas, répondit l'empereur, et je goûte cet avis. Fais donc donner des ordres pour qu'on attende mon retour. » Alors Caius sortit de sa loge. Les conjurés, comme pour lui faire place, écartèrent la foule des importuns. On traversa le corridor étroit qui conduisait à l'intérieur du palais. Devant l'empereur marchait Claude, son oncle, Vinicius, son beau-frère, et Valerius Asiaticus. Il les quitta pour entrer dans une galerie voûtée qui conduisait à la salle de bain. Les conjurés suivirent, mais quel ne fut pas leur désappointement en trouvant rangée dans cette salle une troupe de jeunes enfants aux cheveux bouclés et retenus par des bandelettes d'or. C'étaient des fils de familles nobles venus de Grèce et d'Ionie pour exécuter des danses étrangères en présence de l'empereur et pour chanter des hymnes à sa louange. À cette vue, le visage de celui-ci s'épanouit, et il leur adressa quelques questions. « Par Phébus Apollon, continua-t-il, voici une surprise ravissante. ces jolis enfants seraient dignes de figurer dans le cortège de Vénus, tant ils sont empreints d'une grâce inconnue à leur âge. Qu'ils sont préférables au repas le plus succulent. Il me tarde de les admirer sur la scène. Suivez mes pas, enfants, je retourne au théâtre. Nous ne pourrions danser en ce moment, répondait le chef de cette jeune troupe, car nos jambes sont engourdies par le froid. N'est-ce pas là un obstacle fâcheux ? Reprit Caligula, en se tournant vers sa suite. Mais Chéria, craignant qu'il ne lui échappât encore, ne lui donna pas le temps de continuer. Il plongea son poignard en pleine poitrine en poussant le cri « Redouble !» mot d'ordre des conjurés. Le coup fut porté si rudement que le tyran roula à terre. Il conserva néanmoins ses esprits, car il tentait de se relever en criant « Je ne suis pas mort! Saisissez le parricide! Clémence, Caliste, mes amis !»« Redouble » fut-il répondu. Plus rapide que la parole, Cornelius Sabinius s'était courbé, et saisissant Caius par l'épaule pour le maintenir sur le sol, le second coup dirigea la gorge et lui trancha l'artère. Le sang jaillit avec abondance. Pas un ami ne se montrait. On n'entendait que le cri « Redouble !» vociféré dans la foule. Aspenas frappa le troisième, puis Norbanus, puis Vinitien, puis Lupus. Puis tous les conjurés se ruèrent avec fureur sur leur victime qui se tordait dans les convulsions de l'agonie. Parmi eux s'était glissé sous un déguisement un jeune chevalier arrivé depuis 2 jours à Rome, d'où il était exilé. C'était Junius, fils de Petronius, et jadis dépossédé de son cheval par l'empereur. Ainsi périt, à l'âge de 29 ans, Caius César, deuxième successeur d'Auguste. Son corps avait été percé de 30 coups de poignard. Il put, dit un historien, s'apercevoir en mourant du néant de sa prétendue divinité, et après avoir formé le vœu que le peuple romain n'eût qu'une seule tête, reconnaître qu'il avait plusieurs bras.